Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, on est toujours dans Manhaj Salikin, dans le fiqh. Et nous étions arrivés jusqu'à Babul Miyah, c'est-à-dire la porte des eaux, l'eau. Et nous avions dit précédemment que l'auteur, rahimahullah ta'ala, ce n'était pas lui qui faisait le tabouib, qui donnait les portes. Donc il dit Babul Miyah, et si nous l'avions cité la semaine dernière, donc le Miyah c'est Jam'u Ma, c'est-à-dire le pluriel d'eau au singulier. Et Al-Ulama, Rahimahumullah Ta'ala, la plupart des savants, on va dire, Al-Jumhur, ils coupent l'eau en trois catégories d'eau. Il coupe l'eau en trois catégories d'eau. La première catégorie, c'est Al-Ma al-Tahur. Al-Ma al-Tahur. Ou bien, Al-Ma aussi, nous pouvons l'appeler Al-Mutlaq. Il l'appelle Tahur ou Mutlaq. Ça dépend des fuqaha et des savants. Al-Muhim, c'est le même. Ou Al-Ma al-Tahur ou Al-Mutlaq, c'est-à-dire l'eau purifiante. C'est l'eau qui est pure en elle-même et qui purifie autrui. طيب. والماء الطهور هو الذي بقي على أصله. C'est l'eau qui est restée sur sa base, qui n'y a pas eu de changement. Ça c'est l'eau pure. الماء الطهور المطلق. Ça c'est pour la majorité des savants je parle. La deuxième catégorie d'eau pour la majorité des savants, c'est Al-Ma al-Tahir. Donc la première, c'est l'eau purifiante. La deuxième, c'est l'eau pure. Vous comprenez? La deuxième, c'est l'eau pure. Qu'est-ce que l'eau pure? فَهِيَ طَاهِرَ فِي نَفْسِهَا غَيْرْ مُطَاهِرَ لِغَيْرِهَا. Al-Ma al-Tahir, c'est une eau qui est pure en elle-même, c'est-à-dire que tu peux boire, mais qui n'est pas purifiante pour autrui. Et certains savants, ou la plupart des savants, ils disent que tu peux te purifier avec cette eau, le deuxième cas, lorsqu'il s'agit d'un renouvellement des ablutions. Mathalan, tu as les ablutions, tu veux renouveler pour avoir l'âge, tu peux faire avec ces ablutions, avec cette eau-là pour eux. Ou bien, par exemple, pour renouveler le ghusl aussi. T'es pas en état d'impureté, mathalan, et tu veux faire un ghusl comme ça, yani, eh bien, c'est autorisé avec ce ma tahir. Le troisième catégorie d'eau, c'est le ma ou najis. Ou najis. C'est une eau qui est impure. Et cette eau-là, elle n'est ni pure en elle-même, et elle ne purifie pas. Ceci donc, je rappelle mes très chers frères, est l'avis de la majorité des quatre madhahib qui découpent l'eau en trois catégories. Tayyib. Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala ibn al-Qayyim et d'autres savants, la plupart des savants contemporains, eh bien, ils considèrent que l'eau, elle est de deux catégories. L'eau purifiante et l'eau pas purifiante, impurifiante, l'eau sale. D'accord? Soit elle purifie, soit elle ne purifie pas. Soit elle est tahour, soit elle est najis. Un des deux. Et ça, c'est l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyyah et de Ibn al-Qayyim rahimahumullahu ta'ala. Donc, on peut comprendre aussi, mes très chers frères, que l'eau peut se diviser d'une autre manière. Et ça, c'est une division qui est bonne aussi à savoir. Eh bien, il y a l'eau al-mutlaq. Al-ma ou al-mutlaq, comme j'ai dit au départ. L'eau générale. C'est-à-dire, c'est toute eau qui est descendue des cieux, l'eau de la mer, l'eau qui est dans les puits, etc. On va l'appeler al-ma al-mutlaq, celui-là. Voyez? Et il y a la deuxième catégorie, al-ma ou al-muqayyad. C'est-à-dire, l'eau qui est particularisée. Dans le sens où elle a été mélangée à autre chose. Et l'eau peut être mélangée qu'à deux choses. Soit elle est mélangée à une chose pure, soit elle est mélangée à une chose impure. Dans le cas où elle est mélangée à une chose pure, et que cette chose pure lui a enlevé son nom. Et vous comprenez quand je dis enlever son nom ? C'est-à-dire qu'on ne peut plus appeler cette chose-là de l'eau. Comme par exemple un thé. Un thé, 90% ou même 100%, c'est du thé. C'est de l'eau, pardon. Il y a la couleur du thé qui se met dans l'eau. Est-ce que nous pouvons appeler ça de l'eau ? Non. Donc cette eau-là n'est plus une eau tahour, qu'on peut utiliser motlap, qu'on peut utiliser pour les ablutions. Le café, pareil. Ma'u za'fran, l'eau qui est mélangée, l'eau de fleurs, d'oranger. Est-ce que c'est de l'eau ? Oui. Le fait que ça soit udifat ila ghayriha hatta la yutlaq 'alayha annaha ma asbahat la yajuz at-tatahhur biha. Donc le fait qu'on l'a accompagné d'une autre chose et que son nom, on ne peut plus l'appeler de l'eau mutlaqan, général, mais on est obligé de dire que c'est de l'eau de fleurs ou de l'eau de za'fran, eh bien à ce moment-là, cette eau-là n'est plus une eau qui est autorisée pour purifier la personne. Taïb, est-ce qu'on dit que c'est de l'eau impure ? Non, c'est de l'eau pure. Si la personne il prend de l'eau de fleurs d'oranger, il boit. Mais il ne peut pas l'utiliser pour se purifier. Donc cette eau-là, elle ne rentre même pas dans le cadre, en fait, de la purification. Vous comprenez ce que je veux dire ? On ne peut plus l'appeler de l'eau, en vérité. Soit c'est du café, soit c'est du thé, soit c'est de l'eau fleur d'oranger, soit c'est de l'eau de zafran, etc. Cette eau-là n'a plus ce nom-là. Le deuxième mélange qui peut se faire avec une eau pure, c'est quoi ? Si on a dit que c'était une chose qui est pure, elle se mélange à de l'eau pure, eh bien ça peut donner du café, du thé, etc. La deuxième chose, c'est qu'on mélange de l'eau pure avec une chose qui est impure. Vous comprenez ? Avec une chose qui est impure. Ça, on est toujours dans le mal muqayyad. Alors le fait de le mélanger avec de l'eau impure, l'eau devient impure. L'eau devient impure. Car le mélange, c'est-à-dire que l'apparition dans cette eau, le changement de cette eau, a mené à retirer la purification de cette eau. Donc cette eau est considérée comme étant une eau qui est impure. Comme étant une eau qui est impure. Ouais. Donc, l'eau pure qui est mélangée, on peut faire l'eau d'eau avec ? Qui est mélangée avec quoi ? Avec une chose pure. Quoi ? Du thé ? Exemple. Non ! Tu fais pas du thé avec, non ? Tu fais pas du... tu fais pas l'eau d'eau avec. Ça, tu fais pas l'eau, elle s'est altérée. Elle a été altérée par le mélange. Donc tu ne peux plus faire les ablutions avec. Donc les preuves de ceci, mes très chers frères, c'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna al-ma'a tahur la yunajjisuhu shay » L'eau est pure, et ceci est rapporté dans Sunan, il va le citer l'auteur. « Inna al-ma'a tahur la yunajjisuhu shay » L'eau est pure. Rien ne peut, quoi ? La rendre impure. « Inna al-ma'a tahur la yunajjisuhu shay » Ça c'est l'umum, ça c'est la généralité. Donc l'aslu filmiya, il va le dire l'auteur plus tard, la base dans l'eau, c'est qu'elle est pure et qu'on peut l'utiliser. Tayyib. Il y a eu une particularisation de ce jugement qui est général. Donc la base c'est quoi ? La base c'est que l'eau elle est pure et tu peux l'utiliser. N'importe quelle eau. Mais il y a eu une particularisation. Cette particularisation a été faite par le consensus des savants. Donc on avait dit précédemment que les adillah de l'kitab wa sunnah, ou pardon, les adillah de l'fiqh, c'était le kitab wa sunnah, wa l'ijma' wa l'qiyas. Et on avait cité d'autres dalil. Et il ne faut pas penser simplement, et cela je l'ai dit à plusieurs reprises, que la personne qui a un dalil, que ce soit du kitab ou de sunnah, eh bien il a raison. Non. Il faut aussi avoir la bonne compréhension et voir s'il n'y a pas une autre preuve qui particularise celle-ci. Donc là, en l'occurrence, c'est Al-Ijma qui particularise la généralité. Innal-ma tahur la yunajjisuhu shay. L'eau est pure, rien ne la rend impure. Donc l'ijma, il a été rapporté par Ibn al-Munzir, rahimahullah, où il dit, je pense que je l'avais cité, ajma'a ahlul ilmi ala anna al-ma' al-qalil, l'eau qui est peu, awul kathir, je vais le traduire ensuite, idha waqa'at fihi najasatun, faghayyarat an-najasatu ta'am al-ma' aw lawna al-ma' aw riha al-ma' annahu najis ma dama kadhalik. Donc il dit, lui, il y a le consensus des savants sur le fait que l'eau, qu'elle soit d'une grande quantité ou d'une petite quantité, s'il y a une impureté qui est tombée dedans et que cette impureté a mené au changement de cette eau, que ce soit l'odeur, le goût ou la couleur, eh bien cette eau est considérée comme étant impure et que cette eau ne peut plus être utilisée. Donc l'ibratu, idhan al-ibra, c'est quoi l'ibra? Hein? La leçon, elle est sur terrir. Al-ibratu bit-terrir. La leçon, c'est par le changement. Tant que l'eau n'est pas changée, eh bien, lam tuslab tahouriyatil ma. Tant que l'eau n'a pas été changée, eh bien, on ne peut pas lui retirer sa fonction de purifier. Sa fonction de purifier. Donc on a dit cela, Wallahu ta'ala a'lam, je pense déjà. Donc il dit l'auteur, rahimahullahu ta'ala, wa at-taharatu naw'an, et ceci nous l'avons cité, ahaduhuma taharatu bilma, ou taharatu bilma, wa hiya al-asl. Donc il dit la purification de deux catégories. La première, c'est la purification avec l'eau. Et ceci est la base. C'est-à-dire l'homme, à la base, il doit se purifier avec de l'eau. Il ne se purifie pas avec al-far' et il laisse la base. Donc Allah Azza wa Jalla dit, subhanahu wa ta'ala, pour prouver cette règle, il dit, « Aula mastum al-nisa falam tajidu ma'an. Falam tajidu ma'an fatayammamu. » Donc il dit dans le verset des ablutions, il dit, si vous ne trouvez pas d'eau, faites al-far'a, qui est awul badal, qui est at-tayammum, qui est le fait de se purifier avec la purification sèche, ils appellent ça, la purification sèche. Donc l'aslou, la base, c'est de se purifier avec de l'eau. Ensuite, la personne, s'il ne trouve pas d'eau, et ceci va être expliqué clairement lorsqu'on arrivera à Bab Tayammum, eh bien, il purifie avec l'ablution sèche qui est At-Tayammum. Il dit l'auteur, فَكُلُّ مَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ. Regardez, là, maintenant il explique l'eau pure. Qu'est-ce que c'est l'eau pure? L'eau mutla. Il dit, فَكُلُّ مَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ. Toute eau qui est descendue des cieux ou qui est sortie de la terre, fahuwa tahur, yutahiru min al-ahdath wal-akhbath. C'est-à-dire qu'il dit, tout ce qui est sorti, descendu des cieux et sorti de la terre est pur. Il purifie de l'hadath. C'est-à-dire l'hadath, c'est quoi? C'est le wasful qaim alladhi yamna'u mina salat wa nahwiha. Donc c'est le qualificatif ou le descriptif qui empêche de faire la prière, yarfa'u al-hadath wa yuzilu al-akhbath, et il enlève l'impurification, c'est-à-dire l'urine ou bien autre chose. Walaw taghayyara, écoute, walaw taghayyara lawnuhu aw ta'muhu aw rihuhu bi shay'in tahir, et même si il dit que sa couleur ou son odeur ou son goût a changé avec quelque chose de pur. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء رواه اهل السنن وهو صحيح. Donc il dit maintenant, s'il a changé un petit peu dans le sens où on yutlaq alayhi ism al-ma. Al-Sheikh rahimahullah, il dit lorsque, si par exemple l'eau elle change un peu de couleur ou d'odeur ou de goût, mais que yutlaq alayhi ism al-ma. C'est-à-dire quand on voit ça, on dit c'est de l'eau. Et je vous avais donné l'exemple précédemment de si tu mélanges un petit peu de savon, Mathalan, des fois tu te laves les mains avec du savon, et après tu prends l'eau directement et il y a un peu de savon dans ton eau. Et bien ça, quand tu le vois, tu dis quoi? Tu dis c'est du savon? Non, tu dis c'est de l'eau. Et bien ceci, tu peux te purifier avec. Tu peux te purifier avec cela. Donc tant qu'on peut dire que c'est de l'eau, وَيُطْلَقْ عَلَيْهِ إِسْمُ الْمَا, c'est-à-dire que lorsque nous le voyons, nous le citons comme étant de l'eau, eh bien, tu peux faire tes ablutions avec. Il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسْ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ. Il dit, et si un de ces qualificatifs change par une impureté ou avec une impureté, eh bien on est obligé, eh bien l'eau devient impure et nous sommes obligés de la délaisser et de ne pas l'utiliser. Cette qaïda là qui vient de citer, cette règle là que nous avons cité l'ijma' de l'ulama dessus, eh bien il y a un hadith. Ce hadith, c'est le hadith de Abi Umama, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, nous disons aurait dit puisque le hadith est faible, Al-ma'u tahur illa an yataghayyar rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu bi najasatin tuhdathu fi. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit l'eau est pure sauf si elle est changée par l'odeur ou par le goût ou par la couleur par une impureté qui tombe dedans. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah et il a été rendu faible par l'imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala wa Abu Hatim al-Razi rahimahullah ta'ala. Ibn Hajar rahimahullah, il dit qu'il y a deux illa dedans. Il y a deux méfaits dans ce hadith. La première, c'est an'anatu baqiyya. L'an'ana, c'est-à-dire que lui, comme il est quelqu'un de mudallis, il a an'an dans le hadith, il a dit an, il n'a pas sarraha bis-sama'. Wa thaniya da'af ibnuhu, c'est-à-dire la faiblesse de son fils. Ala kulli hal, le hadith, il est faible. Le hadith, il est faible. Mais nous revenons à ce que nous avons dit. À ce que nous avons dit qui est que l'eau, elle est pure à sa base. Et le hadith, il le prouve. Inna al-ma'a tahur la yunajjisuhu shay. Alors, l'impureté, si elle est dans l'eau, elle change un de ses qualificatifs, que ce soit le goût, la couleur ou l'odeur, eh bien l'eau devient impure. Ce qu'il faut savoir, mes très chers frères, c'est qu'il n'est pas obligatoire que les trois qualificatifs changent. S'il y en a un qui change, ça suffit. Ça suffit pour... Pourquoi ? Pour rendre cette eau comme étant impure. Que ce soit le goût, la couleur ou l'odeur. Maintenant, il faut comprendre une chose. Et si je pense que c'est une chose importante. L'eau, elle a plusieurs cas. Et on peut découper la situation de l'eau en plusieurs cas. Le premier cas... C'est que l'eau, elle est soit kathir, soit il y a beaucoup d'eau, soit il en est un peu. Soit il y a beaucoup d'eau, soit il y en a un peu. D'accord ? Donc maintenant, je prends un litre d'urine. Un litre d'urine dans une bouteille. Voyez ? Et je prends 500 millilitres d'eau. Et je verse ce litre d'urine dans les 500 millilitres d'eau. Est-ce que je peux faire les ablutions avec? Non, il a changé tout, couleur, odeur et tout. Maintenant, si je vais dans un lac qui est le lac Annecy, là, il est grand, il est immense, et que je verse mon litre d'urine dedans, est-ce que je peux faire les ablutions avec cette eau-là? On peut faire les ablutions. Parce que l'eau n'a pas changé. Dans le sens où l'eau, elle est tellement importante que cette najasa, elle a eu aucun impact sur elle. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, cette eau-là, yani l'eau du grand lac là, tant qu'elle est apparemment propre, eh bien tu peux faire les ablutions avec. Tu peux faire les ablutions avec. Tayyib. Le cas contraire, c'est-à-dire le fait de penser que une personne urine dans un lac empêche les ablutions avec, eh bien ça c'est une erreur. Dans le sens où si la personne a l'urine, tout le monde urine dans, quand ils vont se baigner maintenant dans les lacs. Ça veut dire que nous, on n'a même pas le droit de rentrer se baigner. Aslan, même pas se faire les ablutions. Car c'est par son urine à lui, il a impurifié tout le lac. Non, ça ce n'est pas le cas. La deuxième découpe, c'est-à-dire le deuxième cas, c'est de dire que il y a une eau qui ne change pas, il y a une eau qui change. C'est-à-dire ma'un hadatha fih taghayyur wa ma lam yataghayyar. Donc vous voyez, les deux découpes là sont importantes à comprendre pour comprendre l'eau. Pourquoi? Parce que cela peut changer selon la quantité d'eau, comme cela peut changer selon le changement. Yani, est-ce que l'eau a changé ou pas? Dans sa couleur, dans son goût et dans son odeur. Donc les savants, rahimahumullah ta'ala, ils ont divergé sur le fait d'utiliser une eau qui était douna al-qullatayn, qui était moins qu'une eau qui est importante et où une impureté est tombée dedans. Cependant, l'impureté n'a pas changé cette eau. C'est-à-dire que cette eau n'a pas changé, ni dans sa couleur, ni dans son odeur, ni dans son goût. Alors les savants, ils ont divergé. Donc, il y a un groupe de savants, rahimahumullah, qui disent que cette eau-là est impure et qu'il ne faut pas l'utiliser. Dans le sens, par exemple, où, مثلاً, tu as une grosse bassine d'eau. Une bassine d'eau. Et que, par exemple, un peu d'urine est tombée dans cette eau. Mais lorsque tu regardes cette eau, tu ne vois aucun impact de cette urine. Ni dans l'odeur, ni dans la couleur, ni dans le goût. C'est ça le cas qu'on est en train de parler là. Donc certains, ils ont dit que cette eau est impure et qu'il ne fallait pas faire les ablutions avec. Parmi eux, il y a l'imam Ahmad wa Shafi'i rahimahullah ta'ala. Et ils ont pris comme preuve que la parole de Abdullah ibn Umar, qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Nasa'i wa Ibn Majah, il dit « إِذَا بَلَغَ الْمَا قُلَّتَيْنْ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثْ » Il dit « Si l'eau a atteint une certaine quantité qui la rend une eau qui est importante dans sa quantité, eh bien, « لَمْ تَحْمِلْ الْخَبَثْ » Mais وَجْهُ الْإِسْتِدْلَالِ Comment ils ont pris la preuve? Ils ont pris la preuve dans ce hadith par « al-mafhoum » par la compréhension du texte et non pas par le mantouk. Vous savez que dans les textes religieux, c'est-à-dire dans les hadiths prophétiques, ou bien même dans les hadiths, dans les paroles d'Allah Azza wa Jal, ou dans les paroles des compagnons, il y a un mantouk, un dit et un compris. Ce qui est dit et ce qui est compris. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si l'eau a atteint une certaine quantité, eh bien, elle ne peut plus être impure. Lam tahmil al-khabath. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un, il va dans un lac, il urine tout seul, qu'est-ce qu'il y a? Le lac, on voit l'impact de l'urine dedans? On ne voit pas. Donc, il dit, lam yahmil al-khabath. Donc, ils ont pris comme preuve le mafhoum, la compréhension. C'est-à-dire, quoi? Tout ce qui est en dessous de qullatayn, c'est-à-dire tout ce qui est toute eau, qui est moindre, qui est pas importante, elle peut prendre l'impureté. C'est-à-dire, s'il y a une impureté dedans, eh bien, on va voir directement qu'il y a une impureté. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, qui est l'avis de Malik et Abu Hanifa, où il dit que l'eau, l'eau elle n'est pas impure et elle est pure. L'eau, elle est pure. Et c'est l'avis de l'imam Sa'di rahimahullah aussi, entre autres. Nous le comprenons par ses paroles. Ils les ont pris comme dalil le hadith qu'il a cité lui-même, rahimahullah, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, « Inna al-ma'a tahour la yunajjishu shay » Donc ici, il dit à le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'eau est pure, rien ne la rend impure. Dans le sens où il faut revenir au... À quoi ? Il faut revenir au tarsis de l'ijma', c'est-à-dire au, à la particularisation du consensus des savants, pour comprendre. Ça veut pas dire que l'eau, elle ne peut pas être impure, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que sa base, c'est qu'elle est pure. Et que tant qu'elle est comme sa base, c'est-à-dire qu'elle n'a pas changé, elle est pure. Et qu'il faut la considérer comme étant pure. Vous comprenez ? Et ceci est valable aussi pour l'eau qui est importante. Nous disons pas que l'eau importante reste toujours pure. Ça veut pas dire ça le premier hadith qu'on a cité. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Ça veut pas dire que l'eau qui a dépassé un lac, ça veut pas dire qu'il ne peut pas être impur. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que, par exemple, je vous donne un exemple. Si un lac, on ramène des bennes et des bennes et des bennes d'urine et qu'on les verse dedans. Puis on voit qu'il y a eu un changement dans cette eau. Est-ce qu'on fait les ablutions avec? Non. Nous ne pouvons pas faire les ablutions avec, malgré que c'est une eau importante. C'est-à-dire, la leçon, elle est par rapport au changement. Tant qu'il y a eu un changement, eh bien, il y a eu une impureté et l'eau devient impure. Donc eux, ils ont utilisé quoi comme preuve? Ils ont utilisé Al-Mantouq, c'est-à-dire la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Je dirais aussi que c'est l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, le deuxième avis que nous devons citer. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas eu de changement dans l'eau, même s'il y en a une petite impureté qui est tombée dedans, eh bien ça ne fait pas d'elle une eau impure. Donc, comment nous pouvons trancher entre ces deux avis et dire que c'est le meilleur avis? Les savants, rahimahoullah ta'ala, ils ont une règle qui disent « إِذَا تَعَارَضَ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ يُقَدَّمَ الْمَنْطُوقِ » C'est-à-dire, si il y a une contradiction entre l'affirmé et le compris, eh bien, nous considérons le compris, l'affirmé, pardon. Nous prenons l'affirmé. Et l'affirmé, c'est « إِنَّ الْمَا طَهُرْ لَا يُنَجِّسُ شَيْءٍ » Et then, الصحيح, et l'avis le plus solide dans cette parole-là, c'est que l'eau, elle reste pure tant qu'elle n'a pas changé. Tant qu'elle n'a pas changé de couleur, d'odeur et de goût. À partir du moment où elle a changé d'odeur, de goût ou de couleur, alors à ce moment-là, elle est considérée comme étant une eau impure. Donc il a dit l'auteur précédemment, nous avions cité kullu ma nazala min as-sama wa ma naba'a min al-ard. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que parmi les eaux pures qu'il y a, il y a l'eau qui descend des cieux. Allah azza wa jalla dit wa anzalna min as-sama ma'an tahura. Nous avons fait descendre des cieux de l'eau pure. Il y a l'eau aussi qui est dans les fleuves et dans les mers, la mer, comme il a été rapporté dans Sunan Abi Daoud, al-hillu maytatu at-tahur ma at-tahur ma'uhu al-hillu maytatu, c'est-à-dire le pur son eau en parlant de la mer et l'autorisé ou le halal al-mayta, c'est-à-dire le poisson qui est mort, etc. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que l'eau, il y a plusieurs catégories d'eau qui est pure. Ce qui sort des puits aussi, ce qui sort, l'eau qui sort des puits, la neige aussi, c'est de l'eau pure avec lesquelles nous pouvons faire les ablutions. C'est-à-dire tous les trucs qui sont baqi ala aslihi, ce qui est resté sur sa base et qui n'a pas changé, eh bien c'est de l'eau pure que nous pouvons utiliser. Il dit l'auteur rahimahullah, wal aslu fil ashiya'i at-taharatu wal ibaha. Et le dîner est la base dans les choses. C'est la pureté et l'autorisation. Allah Azza wa Jalla a dit Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an min. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé sur terre ce qu'il y a sur terre pour vous. Fal aslu fil ashiya, la base dans les choses mondaines, c'est qu'elles sont pures et qu'elles sont autorisées jusqu'à ce que tu amènes la preuve de son interdiction et de son impureté. Taïeb. Jusqu'à ce que tu amènes la preuve de son interdiction et de son impureté. Donc là, il parle de l'eau. Donc moi, Mathalan, tu me ramènes une eau. Il y a un peu d'impureté dedans qui est tombée, mais rien n'a changé. Donc c'est quoi l'asl ? C'est quoi la base ? La base, c'est qu'elle est pure et qu'elle est utilisable. Toi, tu me dis non, elle n'est pas pure, elle n'est pas utilisable. Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois rapporter la preuve de tes dires que cette eau-là est impure et qu'elle n'est pas utilisable. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que al-aslu fil ashiya al-ibaha wal-hil wal-tahara. Ça, c'est dans les choses mondaines et les choses de ce bas monde. En ce qui concerne les choses de l'au-delà, c'est-à-dire l'adoration et la pratique religieuse, al-aslu fiha al-man'a. Al-aslu fil ibadat al-man'u. C'est-à-dire que la base dans les adorations, c'est l'interdit. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire qu'avec une preuve. Et si tu fais, c'est que tu as une preuve. Tayyib. Alors que dans la nourriture, dans l'eau, dans les choses de ce bas monde, tout est autorisé. Sauf ce qui a été interdit. Dans les adorations, tout est interdit. Sauf ce qui a été légiféré. Et c'est pour ça que vous connaissez tous le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha qui est rapporté dans Sahih Muslim al-Bukhari où il dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait une action où nous n'avons pas mis notre ordre, eh bien cette action sera rejetée. Donc il a dit Al-aslu fil ashiya al-tahara wal-ibaha. Donc c'est-à-dire que la base dans l'eau, c'est qu'elle est pure et qu'elle est utilisable. Il y a une autre mas'ala à laquelle je voulais parler brièvement. C'est l'eau, le ma'al musta'mal. Ou fadlu al-mar'ati. C'est-à-dire, le ma'al musta'mal, c'est-à-dire c'est l'eau qui a été utilisée. Ou fadlu al-mar'a, c'est l'eau qui a été utilisée par la femme et qui est restée un peu. Des fois, par exemple, chez certaines personnes, ils ont un petit seau pour faire les ablutions. Donc là, la femme vient, elle fait les ablutions avant l'homme. Ensuite, il reste de l'eau dedans. Est-ce que l'homme, il jette et il prend de l'eau ou il peut faire ses ablutions avec cette eau-là? Ça, c'est une mas'ala où il y a eu une divergence entre les savants sur est-ce que tu as le droit d'utiliser al-ma al-musta'mal ou al-ma al-musta'mal, c'est l'eau qui a coulé sur un adou. C'est l'eau qui a coulé sur un membre. C'est-à-dire, Mathalan, moi, j'ai un seau. J'ai une bassine où je me douche. Et c'était ça l'asl avant. C'était comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas de trou dans la baignoire, l'eau à part et tout ça. Donc, on a une bassine. Je me lave dedans. Je prends l'eau et je me lave. D'accord ? L'eau, elle est restée dans la bassine. Mes pieds, ils sont dans l'eau. Et vous connaissez tous le hadith dans Sahih al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le rousse et il n'a pas lavé ses pieds. Car ses pieds étaient dans l'eau. Donc ensuite il est sorti. Et il a lavé ses pieds hors de l'eau. Donc le muhim, c'est de dire que la bassine, il y a de l'eau dedans. Est-ce qu'une personne peut venir après et se laver avec cette eau-là? Dans le sens où, moi, j'ai fait le rousse, l'eau elle est tombée sur mon corps, elle est tombée directement dans la bassine. C'est pas une eau sale où là ils disent. C'est, l'eau elle est tombée dans la bassine. Est-ce que je peux récupérer cette eau et me laver avec? Yani faire le ghusl. Et ça il l'appelle ulama al-ma al-musta'mal. Al-fadl, c'est ce que je vous ai dit précédemment. C'est l'eau qui est restée après que la personne ait fait ses ablutions. Donc il faut savoir qu'il y a une divergence entre les savants sur ce sujet. Et que certains savants disent qu'il est interdit. strictement d'utiliser cette eau, que ce soit fadlul mar'ati ou bien que ce soit al-ma al-musta'mal, que ce soit l'eau qui est restée de la femme qu'elle a utilisée ou bien l'eau qui a coulé sur les membres. Al-Hanabila même, les Hanbalites, ils ont ramené une mas'ala encore plus folle, on va dire, plus folle. C'est que al-ma alladhi khalat bihi al-mar'a la yajuz isti'maluhu. C'est-à-dire l'eau avec l'ma alladhi khalat bihi al-mar'a, c'est-à-dire l'eau que la femme est restée seule avec, eh bien elle n'a pas le droit de l'utiliser. On n'a pas le droit de l'utiliser. Donc ça, yani, il n'y a pas de preuve là-dessus. Mais le premier avis, c'est de dire la yajuz mutlaqan, d'utiliser ni fadl al-mar'a ni al-ma al-musta'mal. Le deuxième avis, c'est qu'il est autorisé d'utiliser cette eau sans aucune restriction. D'accord ? Et le troisième avis, c'est que tu peux utiliser cette eau si tu ne trouves pas une autre eau. Allez, si tu as trouvé une autre eau, eh bien cette eau-là, tu la laisses. Mais si tu n'as pas trouvé une autre eau, eh bien tu utilises cette eau qui est là. Donc ceux qui ont dit que c'était interdit, puisqu'on remarque ici qu'il y a deux avis. Le premier qui est interdit à la tôle, et le deuxième qui dit c'est autorisé, et le troisième qui dit autorisé ou... Mais c'est autorisé. Donc le premier avis, ils ont construit leurs paroles sur le hadith de l'Hakam ibn Amr al-Ghifari, où il dit, ce hadith est rapporté par al-Sunan al-Arba'a, par Nasa'i, Tirmidhi, ibn Majah et Abu Daoud. Il dit, Naha ay Nabi sallallahu alayhi wa sallam an yutawadda ou an yatawadda al-rajul bifadli tahour al-mar'a. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire les ablutions avec ce qui reste de l'eau de la femme, de l'eau qu'elle a utilisée. Donc ils ont utilisé ce hadith là aussi pour al-musta'mal, l'eau qui a été utilisée, qui coule, min babi awla. Donc ce hadith là est rapporté par les quatre et par l'imam Ahmed aussi. Tayyib. Ce hadith-là a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Je cite ça pour... Vous verrez pourquoi, Inch'Allah. Le deuxième avis, celui qui dit que c'est autorisé, ils utilisent le hadith, plusieurs hadiths. Parmi eux, hadith Ibn Abbas. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yagtasilu bifadli maymouna. Wa hadha al-hadith rahu muslim. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, faisait son ghusl. C'est-à-dire, il faisait ses grandes ablutions avec ce qui restait de l'eau qu'avait utilisé sa femme Maymouna. Tayyib, ça c'est un hadith. Deuxième hadith, c'est un hadith aussi qui est rapporté dans les recueils authentiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa grande ablution avec Maymouna ou avec une autre de ses femmes. C'est-à-dire que, là on a parlé de l'fadl, mais là le mal musta'mal. Comment ? C'est-à-dire que lorsqu'il verse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'eau sur lui, et que sa femme est allée dans le même bassin que lui, dans la même bassine, ce n'était pas des grandes baignoires, c'était des petites bassines, et bien l'eau qui tombe sur lui tombe sur elle. Vous comprenez? Et ceci aussi est rapporté dans les recueils authentiques. Mafou? Donc, comment faisons-nous? Eh bien, le hadith que nous avons rapporté de Hakam ibn Amr al-Ghifari, qui a été authentifié par Cheikh al-Albani, je rappelle, a été rendu faible par un groupe de savants. Parmi eux, al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Al-Bukhari considère ce hadith comme étant faible. Parmi eux, ibn al-Qayyim, rahimahullah. Parmi eux, al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Parmi eux, l'imam Ahmad qui dit... C'est-à-dire qu'il y a un tirab dans le hadith. Ce n'est pas un hadith qui est clair. Et parmi les contemporains, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a dit que ce hadith était faible. Donc c'est pour ça que je vous rappelle, mes très chers frères, au début, le cours que nous avions fait, lorsque je disais qu'il ne fallait pas avoir un ta'assub au hukm d'un muhaddith sur un hadith. Car il se trompe, comme il se trompe autrui sur autre chose. Vous comprenez? Donc ce hadith-là, mes très chers frères, est faible. C'est un hadith faible. Donc ce que nous tirons de cette divergence, c'est que tu as le droit d'utiliser al-ma'ul musta'mal ka fadli كفضل المرأة. C'est-à-dire que tu as le droit d'utiliser l'eau qui a été utilisée, tu as le droit d'utiliser ce qui est resté des ablutions du rousseleux de la femme, et ceci sans aucune restriction. Ceci sans aucune restriction. Il dit « فَإِنْ شَكَّ الْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَتِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ » Donc il faut que nous revenions à l'asl. Quel est l'asl ? L'asl, c'est quoi ? فِي الْأَشْيَا الطَّهَارَ يَخْ. Donc il a dit là, il a ramené trois choses. Il a dit فَإِنْ شَكَّ الْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَتِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ. Si la personne il a un doute sur quoi ? Sur la purification de l'eau, la purification du thawb, du vêtement, sur la purification de l'endroit où il prie. Pourquoi l'asl dessus c'est quoi ? C'est al-tahara. Quelle est la preuve ? La preuve, c'est tout ce qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, dans l'eau. Dans l'eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, « Inna al-ma'a al-tahur la yunadjisu shay » L'asl fihi al-tahara. Donc la base dessus, c'est qu'il est pur. « Fil buq'a » Fi sahih muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ju'ilat lil-ard » Quoi ?« Masjidan wa tahura » On a fait pour moi la terre mosquée et pure. Hadith sahih muslim. Al-thiyab, sur le vêtement. Sur le vêtement, eh bien, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, se vêtissaient des vêtements qui étaient faits par les kuffars. Donc, l'aslu fiha, c'est quoi ? C'est l'ibaha wa al-tahara. Donc, il dit, « وَإِنْ شَكَّ الْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا » Il dit, s'il a un doute, le musulman, sur l'impureté de son eau, ou de son vêtement, ou de l'endroit auquel il prie. « فَهُوَ طَاهِرٍ » فَهُوَ إِجْ طَاهِرٍ » Il dit, il est pur. Pourquoi ? Parce que ici, tu as une base. Tu as la base qui est que c'est pur. Et tu as un doute. Tu as un doute qui vient. Eh bien, ce doute, tu le jettes et tu gardes la base. La base qui est que la chose, elle est pure. Vous comprenez ? أو يتيقن الطهارة أو شك في الحدث. Donc maintenant, il donne une autre catégorie, il dit, il est sûr d'avoir fait les ablutions et il a un doute sur le fait qu'il a uriné ou qu'il a été, ou qu'il a eu un gaz, etc. Mais il est sûr d'avoir fait les ablutions, il a un doute. فهو طاهر. Il est pur, il est en état de pureté. لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة. Il a dit, pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée dans les deux recueils authentiques, où il dit, l'homme pensait dans sa prière qu'il avait quelque chose, c'est-à-dire qu'il avait un gaz. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا ينصرفو حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Il dit, ne part pas de sa prière jusqu'à ce qu'il entend un son ou qu'il sent une odeur. Pourquoi ? Pour être sûr. Car al-yaqin la yazulu bishak. Donc nous tirons de ces paroles du Cheikh rahimahullah ta'ala une règle qui est énorme, une grande règle du fiqh qui est min al-qawa'id al-kubra al-khamsa, c'est al-yaqin la yazulu bishak. La certitude ne s'en va pas avec le doute. Lorsque tu as la certitude d'une chose, eh bien s'il y a un doute qui vient, eh bien tu jettes le doute et tu gardes la certitude. Il est rapporté dans Sahih Muslim d'après Abi Sa'id ibn al-Khudri radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu sur un homme qui priait, il savait plus où il en était dans sa prière. Il a dit falyatrah ash-shak wal yabni ala al-yaqin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il délaisse le doute et qu'il construit sur la certitude. Donc lorsque tu as une certitude et que tu as un doute, eh bien tu jettes le doute et tu gardes ta certitude. Dans le sens où, si tu as la certitude que ton vêtement est pur, puis tu as un doute, eh bien à ce moment-là, ton vêtement est pur. Si tu as un doute sur le fait que tu as fait les ablutions, sur le fait que tu as fait, tu as annulé tes ablutions, pardon, et que tu es sûr d'avoir fait les ablutions, à ce moment-là, tu as les ablutions. Et tu pries. Et tu pries. Il faut que la personne, elle construise sur les, sur la certitude. Donc l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit sur ce hadith, هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه. Donc il dit ce hadith là que nous venons de citer, c'est une base, des grandes bases de l'islam et une règle immense dans les règles de la jurisprudence. وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. Il dit que les choses, nous les jugeons comme elles sont à leur base, et que le doute qu'il vient n'a aucun effet sur elles. C'est-à-dire que c'est un doute, le doute il n'a aucun effet sur cette chose-là qui est à la base pure et autorisée. Jusqu'à ce qu'on ait la certitude de son contraire. C'est-à-dire jusqu'à qu'il y ait une autre certitude qui vient confirmer l'annulation. Par exemple, moi, j'ai fait les ablutions chez moi à Dhuhr. Je suis sûr que j'ai fait les ablutions. J'arrive à l'Asr, j'ai un doute. Est-ce que j'ai annulé mes ablutions? Eh bien non, je suis pur. Je prie, normal. Je ne fais pas les ablutions. Maintenant, j'ai une certitude, une autre certitude qui vient... J'ai deux certitudes maintenant. J'ai la certitude d'avoir fait les ablutions pour Dhuhr et j'ai la certitude d'avoir annulé mes ablutions avant l'Asr. Qu'est-ce que je fais là? Je fais la prière? Non, la personne, il fait ses ablutions. La personne, il fait ses ablutions. Il dit, Cheikh l'Islam Taymi rahimahullah ta'ala, en relation avec cette règle aussi, il dit, Al-ihtiyatu bimujarradi shak في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا بل إن المشروع أن يبقى الأمر على الاستصحاب. Il dit d'être prudent avec le doute, d'être prudent seulement avec le doute, en particulier dans ce qui est en relation avec l'eau, n'est pas recommandé, n'est même pas légiféré. Et le légiféré, et ce qui est légiféré, c'est que la chose reste sur sa base. C'est ça qui est légiféré, akhi. Tu vois, c'est pour ça que tu vois beaucoup de gens qui tombent malades à cause de l'ouas-ouasa. C'est-à-dire, ils ont l'ouas-ouas. Ils deviennent ouf. Oh, j'ai fait ci, j'ai pas les ablutions, j'ai pas ci. Après, il délaisse la prière, il délaisse les ablutions, il délaisse tout. Là, il est sûr qu'il a rien après. Mais avant... Donc il dit, cette règle, elle est très importante. Al-yaqin la yazulu bishak. On tire aussi al-aslu fil ashiya al-ibaha. Regardez, nous avons pris trois règles. Al-aslu fil ashiya al-ibaha. Al-aslu fil ibadat al-mana. Et ensuite, al-yaqin la yazulu bishak. Donc, la base dans les choses, c'est l'autorisation et la pureté. La base dans les adorations, c'est l'interdit. Et la certitude ne s'en va pas avec le doute. Donc, il faut savoir une chose, mes très chers frères, c'est que ce doute-là, il n'est pas uniquement dans l'eau et dans les ablutions, et dans Al-Buqa et dans Thaw, mais qu'il est en relation avec toutes les choses de ce bas monde. Et toutes les choses de din que nous vivons. Donc il dit l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, la farqa bayna husul hada ash-shak fi nafs as-salah wa husulihi kharijaha. Donc il dit que il n'y a pas de doute, il n'y a pas de différence entre le doute lorsqu'il est dans la prière ou hors de la prière, dans le sens où, c'est-à-dire qu'il englobe toutes les choses. Si par exemple quelqu'un il s'est marié avec une femme, puis il a douté sur le fait qu'il l'ait divorcé. Est-ce qu'il y a divorce? Non. Car les choses, elles restent sur leur base, qui est Al-yaqin. Wal-yaqin la yazulu bil-shak. Vous comprenez? Donc la certitude ne part pas avec le doute. C'est pour cela que des fois des gens, ils disent des choses mais ils ne les ont pas divorcés. Ils pensent qu'il a divorcé lui. Il est dans le doute. Alors qu'il revient à la base qui est que l'yaqin la yazulu bil-shak. Si maintenant, par exemple, il a la certitude qu'il a eu, il a annulé ses ablutions, ou que son vêtement est sale, ou que l'endroit sur lequel il va prier est sale, eh bien, à ce moment-là, bi-ijma' al-muslimin, avec le consensus de tous les musulmans, il doit refaire ses ablutions et purifier son vêtement et purifier l'endroit dans lequel il fait sa prière. Ensuite, il dit, babul aniyah, inshallah ta'ala, nous ferons ça. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.